Chapitre 21e, Anatole était-il innocent ? Il paraissait résulter du récit de Raphaël qu'il ne pouvait pas être coupable. Mais quelle valeur accorder à ce témoignage d'une femme qui voulait sauver son amant ? Serait-il d'ailleurs confirmé par celui du concierge, ce témoignage ? Et puis, quand il le serait, tout cela formerait-il un ensemble suffisant pour faire mettre Anatole en liberté ou en attendant cette libération pour affirmer son innocence et la prouver ? En un mot, dans ce que le colonel venait d'obtenir, y avait-il de quoi rassurer Antoine si celui-ci avait appris l'arrestation de son fils ? Évidemment non. Comment lui dire ? Votre fils n'est pas coupable, et la preuve, c'est que sa maîtresse le soutient innocent. Ce n'était pas là ce qu'avait demandé Thérèse. Il fallait plus. Il fallait profiter de ces témoignages pour organiser une défense active qui, en peu de jours, fit relaxer Anatole et prouva pour tous qu'il était bien innocent. Mais la tâche ainsi entreprise était grosse de difficulté pour le colonel. Comment organiser cette défense ? À quelle porte frapper ? À qui s'adresser ? Quelles influences mettre en jeu ? Autant de questions devant lesquelles il restait embarrassé, sans savoir comment les aborder. Il était depuis 3 jours seulement en France et il n'avait qu'une idée assez confuse des formes et des usages de la justice française. À Paris, il ne connaissait personne, excepté son ami Gaston de Pontperran. Il était dur d'aller dire à cet ami, si étroitement fermé dans certains principes, « L'amant de Raphaël, le faubourien, le pâle boyou, le voleur présumé d'Amenzaga est mon cousin, et je viens vous demander aide ou conseil pour le tirer de prison. » Cependant, ce fut à cette résolution qu'il s'arrêta. La veille, en n'osant point interroger franchement son ami pour éclaircir ses soupçons, il avait été arrêté par un sentiment de honte. Mais maintenant, ce sentiment, si légitime qu'il fût, devait céder devant un autre d'un ordre plus élevé. Ce n'était plus de lui qu'il s'agissait, de son amour-propre et de sa fierté, c'était de son oncle, c'était de Thérèse, c'était de l'engagement qu'il avait pris envers celle-ci. En sortant de chez Raphaël, il se fit conduire rue Boissy-d'Anglas chez son ami Pontperran. « J'allais chez vous, » dit celui-ci en voyant entrer le colonel, « car je vous ai arrangé pour ce soir une petite partie à laquelle vous ne pouvez manquer. » « Précisément, je ne suis pas libre ce soir, » répliqua le colonel. « Vous reprendrez votre liberté pour moi, ou bien alors il sera démontré que vous ne me traitez pas en ami. Mais il n'y a pas de mais. Au reste, je n'ai qu'à vous expliquer mes arrangements pour que vous compreniez que tout refus de votre part est impossible, ou tout au moins qu'il me placerait dans une situation ridicule. » Hier, en arrivant à Longchamp, les premières paroles de Madame de Lucilière sont pour me demander de vos nouvelles. « Vous ne sauriez croire combien d'amis vous voit la façon dont vous avez joué contre Amenzaga. Et votre ami, le colonel Chamberlain, me dit-elle. Je lui explique que vous avez un devoir de famille à remplir, un vieil oncle à embrasser, et que vous n'avez pas pu venir. Alors l'idée me passe, pour acheter votre absence, de dire que j'ai arrangé avec vous un combat de rats contre mes terriers pour lundi soir. Vraiment, interrompit le colonel. Je sais, c'est absurde. Tout ce que vous direz sera juste. Mais écoutez la fin, pour comprendre que vous ne pouvez pas le dire. Il faut que vous sachiez que j'ai 2 terriers comme il n'y en a pas à Paris. Quand j'ai dû renoncer aux chevaux de course pour des raisons que vous sentez, sans qu'il soit nécessaire que je les explique, j'ai voulu me consoler de cet abandon forcé par un autre genre de sport moins dispendieux. C'est alors que j'ai rapporté de Londres un bull terrier avec lequel j'ai organisé des combats de rats comme on n'en avait pas encore vu en France. En 25 minutes, Betsy étrangla 50 rats pour début. Vous pouvez vous imaginer quel fut son succès et je puis ajouter quel fut le mien. Depuis, j'ai dressé un autre chien, The Hangman, qui est arrivé à tuer jusqu'à 65 rats en 25 minutes. La marquise de Lucilière n'a jamais vu mes chiens et bien souvent, elle m'avait demandé d'assister à l'un de ses combats. C'est ainsi que j'étais amené à lui proposer la partie de ce soir et à la lui présenter comme organisée avec vous, tandis qu'en réalité, elle était improvisée par moi seul. Maintenant, en bonne conscience, pouvez-vous m'abandonner ? Je vous ai promis hier, et vous n'êtes pas venu. Je vous promets pour ce soir, voulez-vous me faire encore manquer à ma parole ? Certes, je ne le voudrais pas, mais ajoutez à tout cela que j'ai fait prendre 200 rats. Mon cher Gaston, dit le colonel d'une voix grave, qui montrait que ses paroles étaient sérieuses, je vous prie de m'écouter à votre tour. Et vous verrez que j'ai par malheur de trop bonnes raisons pour vous refuser. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que je vous ai demandé hier en 2 mots si l'on connaissait cet amant de Raphaël qui était arrêté comme complice du vol d'Amenzaga. Vous m'avez répondu que c'était un faubourien, un pâle voyou. Ah, mon pauvre ami, s'écria Gaston en prenant les mains du colonel, combien je suis désolé. Vous savez donc, demanda celui-ci surpris de cette expansion tout à fait insolite chez un homme aussi calme. J'ai vu hier aux courses le juge d'instruction qui est chargé de cette affaire et naturellement, nous avons parlé de ce vol qui préoccupe tout Paris. Il me dit que ce garçon se nommait Chamberlain. Précisément, Anatole Chamberlain, qu'il avait été élevé rue de Charonne. Alors j'ai pensé qu'il pouvait être votre parent. Mon cousin Germain, le fils de mon oncle. Ah, mon ami, combien je suis fâché. De quoi ? D'avoir dit que ce garçon était un voyou. S'il est coupable, vous ne l'avez pas qualifié assez sévèrement. S'il est innocent comme j'ai quelques raisons de le croire, il n'en est pas moins vrai que sa situation auprès de Raphaël permet de parler de lui avec un certain mépris. Vous n'avez donc point à vous désoler, et je me suis senti si peu blessé par vos paroles que j'ai pensé à vous pour me rendre un service dans les circonstances difficiles où je me trouve. Parler, que faut-il faire? Si M. Anatole est un vilain monsieur, son père est un modèle d'honneur et sa sœur est... Sa sœur est la jeune fille dont je vous ai parlé. Vous comprenez donc que je m'intéresse à ce garçon, sinon pour lui, au moins pour sa famille, pour son père, pour sa sœur. J'ai même formellement promis à celle-ci de faire toutes les démarches possibles pour que l'innocence de son frère, innocence à laquelle elle croit, bien entendu, soit reconnue. Dans ce but, j'ai interrogé Raphaël et voici ce qu'elle m'a appris. Alors le colonel raconta sa visite à la comédienne, mais en ayant soin de ne pas parler des sentiments que celle-ci avait si franchement manifesté, et en se bornant à expliquer les circonstances qui semblaient prouver qu'Anatole ne pouvait pas avoir donné les renseignements au moyen desquels le vol avait été commis. Puis il continua en disant à son ami comment, dans son embarras, il avait pensé à lui demander conseil. « En entrant chez vous, dit-il, je ne savais trop sur quoi devait porter votre concours, mais un mot m'a éclairé. Vous connaissez le juge d'instruction chargé de l'affaire, n'est-ce pas? Le méoté? Parfaitement, nous sommes liés. Eh bien, présentez-moi à lui. Vous voulez vous faire connaître comme le parent de ce garçon ? » fit Pompérant avec un soubresaut. Je veux lui expliquer les choses telles que je les vois. Mais, mon cher ami, je peux lui donner ses explications moi-même et je vous promets que je le ferai avec chaleur, avec intelligence. Je ne doute ni de l'une ni de l'autre. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire qu'un avocat croie à l'innocence de son client pour le bien défendre. Je ne prétends pas cela, mais j'ai pris un engagement et je tiens à l'exécuter. Cependant, songez combien il serait fâcheux pour vous d'avouer cette parenté. Sans doute on pourra, dans le monde, remarquer que votre nom est le même que celui de ce garçon. Mais cela n'affirme pas votre parenté. Pourquoi voulez-vous qu'on sache que le colonel Chamberlain est le cousin de M. Anatole? Je vous en prie, n'est-ce pas? Cachons cela. Vous ne connaissez pas Paris. Le hasard permet que vous vous présentiez dans des conditions extraordinaires. On a les yeux fixés sur vous, et des yeux tendres. Ne compromettez pas votre succès par une imprudence, si ce n'est pour vous, que ce soit pour moi. Mais le colonel ne se laissa pas ébranler. Il voulait voir le juge d'instruction, et Gaston dut céder à cette exigence. « C'est bien, dit-il, je vais vous conduire au palais, ou plutôt non. J'ai mieux à vous proposer. » Au palais, le méoté pourrait très bien s'enfermer dans son rôle de magistrat et ne vous répondre que par des paroles vagues. Il vaut mieux que je vous réunisse dans des conditions où vous ayez l'un et l'autre plus de liberté. Je vais l'inviter à venir ce soir à mon combat de rat. Il viendra. Pourquoi ne viendrait-il pas? Parce qu'il est magistrat. On voit bien que vous ne connaissez pas le méoté. Sachez qu'il aime et pratique tous les sports. Je ne dis pas qu'il y ait encore des magistrats qui restent confits dans leur austérité. Mais Dieu merci, il y en a d'autres qui savent marcher avec leur époque et ne pas rester des momies d'un autre âge. Le méoté est de notre monde. C'est vous dire qu'il n'est point une momie. Nos amusements sont les siens. Aussi pouvez-vous être certain d'avance qu'il acceptera mon invitation avec joie. Seulement à ce propos un conseil. Ne paraissez pas surpris si vous le voyez parier pour ou contre mes chiens. Ah, il parie. Comment s'il parie? Mais il a gagné hier une jolie somme avec Patricia. Ainsi, à ce soir, 9 heures, rue de Suresnes, n'est-ce pas? Le colonel, ayant rendez-vous avec Thérèse à 8 heures, pouvait très bien se trouver à 9 heures, rue de Suresnes. Il accepta donc les arrangements de son ami. Lorsqu'il arriva à 8 heures précises, place royale, il aperçut Thérèse qui l'attendait sous les galeries. Elle vint vivement à lui et posant sa main tremblante sur le bras qu'il lui tendait. « Eh bien » demanda-t-elle. Alors il lui raconta ce qu'il avait fait et ce qu'il avait appris, en ayant soin seulement d'approprier son récit aux oreilles qu'il écoutait. « Vous voyez bien, s'écria-t-elle, qu'il est innocent. » Comme cette exclamation avait fait retourner des gens qui passaient, ils se mirent à marcher lentement sur la galerie, tantôt dans la lumière, tantôt dans l'ombre, elle, s'appuyant sur le bras qui la serrait doucement, lui se penchant vers elle. Les minutes s'écoulèrent rapidement dans cet entretien et la demie, en sonnant, lui rappela qu'il devait être rue de Suresnes à 9 heures. « Vous reviendrez demain ici, à la même heure, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Oui, demain, je vous le promets. » Ils se tenaient les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Alors ils entendirent une voix qui disait d'un ton moqueur « Eh bien, ne vous gênez pas, les amoureux !» Thérèse retira vivement ses mains et ils se séparèrent.